L'agonie, livre 3, chapitre 17. La petite rue des Carènes s'animait de gens, surtout de chrétiens occidentaux, ayant souffert d'Attilius durant la première sédition, et qui, excités par Carinas et Vipsianus, le découpeur de viande et le marchand d'herbes séchées de l'Aventin, attendaient, se groupaient et déjà se proposaient de le tuer. Beaucoup, échappés de leur région, la Transtévérine, avaient montré le poing à la maison de Gaël. Et Madée et Amon, Sévéra déjà parti pour la vieille Espérance, eurent la prescience des grands malheurs qui allaient engloutir l'Empire et le Christos oriental. Alors ils s'en allèrent, Amon suivant Madée, à la fois sous le coup d'une tendre amitié et d'une reconnaissance pour Attilius qui l'arracha jadis aux soldats lorsqu'il écouta dans les fossés du camp le grouillement des crocodiles. Et la franchie ne tremblait plus du Primicerius, et son amour se développait maintenant violemment en lui. Et il courait, courait, coupant toujours avec Amon des groupes qui débordaient sur la vieille Espérance, sur le palais des Césars et les Carènes, partout où l'Empire s'offrait au coup. « Je n'y survivrai pas, gémissait-il. Attilius est affaibli et convalescent. Ces Romains le tueront sûrement si l'empereur, Sémias et Attilia ne le sauvent de leur fureur. » Ce nom d'Attilia n'amenait en lui nulles ardeurs, tant elle lui restait présentement étrangère. Bientôt, la petite maison des Carènes se présenta, assiégée des chrétiens occidentaux qui suivaient Vipsianus et Carinas. Ceux-ci désignèrent tout haut Madée. C'est un affranchi qui est partisan de Christos dénaturé. Saul va recevoir son châtiment, celui-ci recevra le sien, car Christos ne veut pas le règne du péché par l'alliance d'Elagabalus, d'Attilius et du démon Saul. Madée eut à peine le temps de soulever le marteau de la porte qui s'entr'ouvrit lentement et montra à demi la face effrayée du janitor et de quelques esclaves attirés par les bruits du dehors. Le janitor le reçut, stupéfait, contrit, désignant du doigt Amon qu'il n'avait jamais vu. « Tu viens à propos, car il t'a demandé. Mais celui-ci, qui est-il ? » Madée le nomma, parlant très vite de la révolte, pendant que les autres esclaves le regardaient, sans presque le reconnaître sous ses vêtements pauvres, avec sa chevelure peignée seulement à l'eau et privée de ses joyaux, de ses gemmes, de ses amulettes et de la mitra qui lui allait si bien. Il le croyait mort. Mais Madée s'avançait, disant à Amon de rester là, repoussant l'esclave nomenclateur qui voulait avertir Attilius, coupant le vestibule, passant devant le crocodile de l'atrium qui souleva sa tête plate et le fixa de ses yeux désespérants, à peine apercevant le singe qui glapit fort et le paon dont la queue rayonna en une gloire d'yeux ouverts. Et il traversa le tablinum, témoin de sa faiblesse avec Attilia. Les cubiculas discrètes, dont les tentures pendaient, alanguies, avec leurs dessins striés de chrome. Attilius reposait sur son lit, les yeux à la voûte, la bouche vague, les bras repliés sur les coudes, un bandeau au front, cachant encore sa blessure. Pâle et le pouls fiévreux, sa tête pencha vers Madée. « Toi, est-ce vrai, toi, Madée, Madée, mon affranchi ?» Il se levait péniblement, la face rosoyante, avec des lueurs de bonté en ses étranges yeux, que plus violets rendaient l'éclat de sa robe violette traînante. Et le voyant, Il oubliait tout, il voulait oublier tout, sans chercher à savoir pourquoi Madé était là. Mais la franchise s'écria. « Ils entourent la maison, ils en veulent à ta vie !» Et la Gabalus est assiégée par les prétoriens. Ma Méa est partie au camp, et je suis venue avec Amon pour te sauver. » Il lui disait tout ce qu'en sa fuite éperdue il avait appris. Attilius l'étreignit, à moitié sanglotant, en une crise de nerfs suraiguë. « J'étais sûre de toi, je savais bien que tu ne m'oubliais pas, toi, Madé !» Et sa tendresse amollissante lui cachait la réalité vivante, le rejetait au rêve que sa blessure avait levé en lui depuis 6 mois. Il palpait Madé, le regardait extraordinairement, comme s'il eût été d'idéal, comme si une chose supérieure l'eût transformé. L'humilité de ses vêtements, sa face grave aux cernes noires, lui apparurent telles qu'en une extracorporéité toute lumineuse, qui le faisait comme flotter en un soleil, non d'or, mais d'améthyste, mais violet, embrassant une nature violette, dressée en plan violet, dans sa maladiveté. Je me le disais, jamais Madé ne m'oublierait. Et si j'ai été dur, pardonne, tu es encore chez Attilius, c'est-à-dire chez toi. » Mais les voix des chrétiens lui parvinrent, assez distinctes pour qu'il s'en émût. Il se leva tout à fait, en chancelant. « Serait-ce vrai ? » Il lui prit nerveusement une main, commençant à tout voir, à tout comprendre, à tout deviner. Puis il se rassit, calme. « C'est la fin, nous mourrons. Pourquoi lutter ? Vois, le bonheur n'est pas à Rome. À Rome qui doit nous engloutir et qui nous engloutira. » Il lui parlait à la fois avec autorité et déférence, comme si Madé lui restait supériorisé. C'est qu'Attilius, en son long alitement, s'était dévirilisé. La nature le faisait amante en disloquant leur rôle à tous deux. Dans ses tendresses, passait tout le rêve de sa grande imagination dévoyée qui activa depuis Hémès, comme sous un souffle de forge, le culte de l'androgyne par la pierre noire et le plaisir dans l'unisexualité. Sa fièvre magnifiait Madé, le créait androgyne vivant et palpable. Elle le faisait beau, mystérieuse et sacrée, comme les idoles de son temple. Aussi, quelque désespoir que Madé en eut, il l'entraîna vers le temple déjà connu de Géel et de Zal. Et les dieux lui émergèrent, la Vesta hiératique et les brasiers toujours fumants dans une ombre bleue, douce et chaude, où reluisait le cône noir en face du Christos noir. « Toi, vois-tu, tu es le Christos, le symbole du thé, la Vesta immortelle. Osiris, Zeus, tout, tu es le Dieu, à l'origine des choses, venu, disparu, pour reparaître le jour qui verra Rome dans le néant. Car maintenant elle s'y enfonce, et les sexes ne procréeront plus, et l'humanité en mourra. L'heure va sonner, où une humanité nouvelle la remplacera. Et c'est toi qui continueras la trame de la vie, toi, Madé. » Il le touchait délicatement, amoureusement, soulevant sa tunique et l'adorant en sa folie. Et, le ramenant, il le voulait encore à ses côtés, dans sa chambre, toujours oubliée du passé, tant, durant les heures d'alitement qui furent presque d'agonie, il l'avait demandé, il avait rêvé de Madé. Il ne parlait pas d'Attilia, ne voulant pas qu'elle traversât son souvenir, s'immobilisant là, à toujours le palper, à la fois sous un coup d'orgueil, d'amour, de sentiments indéfinissables, de folie et de déviation de nature, qui fleurissait encore les fleurs noires de sa passion. Cependant, de grands cris éclatèrent, non plus venus du dehors, mais dans la maison même. Envahis par la foule toujours aiguillonnée par Vipsanius et Carinas. Je te l'avais dit, s'éplora Madée, voulant se dégager. Les Romains te veulent tuer, et moi avec toi, et toute ta maison, la Familia, le Janitor, Attilia aussi. Ils ont peut-être massacré la Gabalus et mis du sang dans leur ville d'inquiétude et de grincement. Que faire? Que faire? Il se tordait les mains, essayant de l'entraîner quelque part, en des coins de cubiculas, pour le cacher et se cacher avec lui, sentant bien la résistance impossible maintenant. Mais Attilius s'affaissa sur le lit. « Ils nous tueront. La vie ne vaut pas qu'on résiste à la mort. Reste ici. Tu le sais, je songeais à toi, même lorsque je t'eus chassé. Je pensais à toi. Je te voulais, je regrettais ton absence, et sans un orgueil qui avait peur de se déceler, je t'eusse fait appeler. Je comprends pourquoi tu te donnais à ma sœur. Je n'aurais pas dû te renfermer, t'isoler, plutôt t'élargir le monde, te distraire et t'amuser. Et puis, tu avais l'âge où la sexualité tout à coup se montre, et cela a été plus fort que toi. Oui, cela était plus fort que toi. Quant à Attilia, je n'avais pas à lui en vouloir. Elle est femme, elle est méprisante, et basse, et vile, et passionnée seulement de chair comme les femmes. Elle resterait dans sa destination, car sans la femme, l'androgyne existerait, et nos qualités, nos facultés, notre puissance, notre virilité, serait tout en lui et non plus énervé par elle. Et c'est pourquoi je voulais l'androgyne et l'espérais en toi. Tu l'es ou tu le seras, qu'importe. Moi, je n'ai plus de force à vivre encore et je me fais une joie de mourir avec toi. Madée le secouait, craignant à tout instant l'apparition des Romains, seulement séparés d'eux par le tablinum. Une grosse rumeur de combat souissait. Des piétinements furieux se rapprochaient, dominés par les cris aigus du singe. Après avoir enfoncé la porte et repoussé le Janitor et les esclaves, les assaillants effarés par la magnificence de la maison, au jour apaisé de temples flottants, de parfums aux légères buées bleues, demandait Attilius, n'osant pousser de l'avant, toujours contenu par les esclaves, dressés en haie et les poings à hauteur de leur face. Nul n'était armé, à l'exception de Carinas et de Vipsanius, qui brandissaient un court poignard. Mais, peu à peu, ils refoulaient les esclaves vers le tablinum. L'atrium s'emplissait constamment, et, déjà, pour s'animer, il lacérait les tentures, renversait des pieds douches et raillait les murailles de crachats ignominieux. L'un d'eux tira la queue du paon. La bête glapit, puis s'envola lourdement vers l'impluvium sur un rebord duquel elle se posa, effrayée. Le crocodile s'était plongé sous l'eau, dont la suspecte transparence ne remua plus. Et, de la rue, il en survenait sans cesse. Les esclaves se décourageaient, voyant le tablinum bientôt envahi, Attilius et Madée massacrés. La tunique sale, la coiffure crasseuse, tremblant, suant, balbutiant des mots sans suite, Amon courait vers la vieille espérance assiégée. Des bruits de bataille lui parvenaient des jardins. De toutes parts, on demandait la mort d'Elagabalus. Les chrysaspides sortirent d'une porte dérobée, des énéators jouant sur leurs flancs. Un centurion en tête, un centurion en queue, le bouclier d'or et la pique d'or relevés. Rapidement, il apprit au centurion de tête l'envahissement de la maison d'Attilius, de laquelle il s'était échappé pour le faire secourir à tout hasard. Car ils filèrent frénétiquement, en un étincellement d'armes d'or, lui courant derrière, anxieux de sauver Madée et Attilius, peut-être tués maintenant. Vipsanius et Carinas, poignardant un esclave qui résistait, pénétraient déjà au tablinum dans un effondrement de la familia à moitié assommée. Traversant furieusement les cubiculas, arrachant tout, brisant tout, les chrétiens virent Attilius et Madée, enlacés et très calmes, attendant leur coup. Ils s'avancèrent vers eux. « Tu es Attilius, le primicerius, l'ennemi de Rome. À mort, à mort! Christos souffre par toi !» Attilius les regardait, reposant sur eux sa face pâle, ses yeux bleu-violet ouverts vaguement, et sa main étreignant la main de Madée, qui se dressa, frémissant. « Non, non, vous ne le tuerez pas. J'ai connu Christos comme vous. Christos est ici adoré. » Il voulait leur apprendre que ce Christos qui les animait contre Attilius était, avec d'autres dieux, dans le temple circulaire. Que lui-même, Madée, avait communié de Christos dans la coupe d'or, suivant le rite oriental, tant il ignorait les divisions des chrétiens. Mais Carinas hurla. « Toi, nous te connaissons. Tu habitais avec Gaël, tu as été avec Zal, tu t'es donné aux chrétiens orientaux, tu as dénaturé Christos comme eux. Meurs, meurs, Christos ne veut pas de toi. » Il leva le bras, le poignard fit un éclair. Mais Attilius, qui s'était précipité, reçut le coup au cœur, frappé comme Zal. Il tournoya, la tête balancée, la bouche ouverte, les yeux vitreux, les mains crispées, dans sa robe violette traînante. Puis il s'abattit sur Madée, que Vipsanius frappait aussi à la nuque de son poignard. Leur sang rigola, rouge et pur, se mêlant, sous leur corps prostré chastement, sans qu'une nudité des membres apparût sous leurs vêtements. Affolés de ce sang, les chrétiens répandus dans la maison brisèrent les dieux du temple, la Vesta et les trépieds d'or, même le Christos noir touché avec horreur comme une chose dont la signification était immonde. Puis ils firent un effréné pourchas des esclaves, découverts sous des amas d'étoffes et de tapis, derrière des meubles, même dans les arbres du jardin, et ils les massacrèrent tous, malgré leur résistance désespérée. Des cadavres étaient dans les cubiculas, dans le péristyle, dans le tablinum, dans l'atrium, bleus de blessures, la gorge étranglée, le ventre ouvert à coups d'armes asiatiques pillés dans la maison. Et le sang, cet affreux sang qui aveuglait Rome, s'épandit aussi, écumeux, souillant cette exquise demeure, cette joie d'architecture. Comme, terrifié, le singe glapissait, le paon trépidé de sa queue qui ne rayonnait plus, le crocodile remuait, ils le tuèrent aussi. Le sang du singe et du paon inonda le parquet. Celui du crocodile rougit l'eau du bassin désormais tranquille, qui eut un aplatissement de lune, saignant. Les cris aspides approchaient, rejoints par Attilia et Sémias, Camon aperçut dans une litière fermée, quelque terrible que leur pût être cette imprudence en cette matinée. Le véhicule, entouré par des cataphractaires et porté par deux mules sonnaillantes, les cahotait, et elles se parlaient, sanglotantes et énervées. Si l'une, Sémias, songeait à Attilius, combien plus Attilia à Madée, dont la mort invraisemblable se présentait avec de sourds invites à mourir aussi. Un immense attendrissement, effaçant une pitié renaissante pour le frère qui ne la voulut plus à son chevet, lui ramenait l'affranchi, si fin, si parfumé, si ductile des chairs, si vibrant d'âme. Et elle le demandait maintenant tout bas, pendant que Sémias la regardait, lui découvrant des traits d'Attilius, son profil allongé, son nez droit, sa bouche frémissante et ses yeux, ses étranges yeux bleu-violet, au bon brin d'une lueur d'améthyste sa face, mobilement. La Domina, la Clarissima, ne voulait plus penser à l'ignominie de son fils, qui, pendant que des fidèles mouraient pour lui, s'était honteusement caché dans des latrines, y salissant ses vêtements d'or et de soie, sa tiara constellante, ses chaussures tramées de métaux, d'émaux et d'ivoire, sans seulement le courage de se tuer avec son poignard d'or, son poison ou son lacet. Si Attilius avait désiré l'empire au lieu de se déviriliser avec Madé, combien se serait-elle débarrassée de ce fils qui avait ses vices sans les crises de l'énergie maternelle? Combien avec lui eût-elle écrasé l'insolence du camp, les brutalités de l'armée, les injures de Rome? Et, furieuse, passionnée de son amour inguéri, elle se jeta dans les bras d'Attilia, lui avouant ce que cette même Attilia avait deviné depuis quelques heures. Son amour sauvage et profond pour Attilius. « Ton frère, je l'ai aimé, et si je me jette aux hommes, c'est qu'il m'a repoussé, lui à qui j'eusse donné l'empire, plutôt qu'à ce fils qui s'est caché dans l'infection du palais. Moi aussi j'aime Madé, et si je t'ai suivi, si j'ai donné ma chair à des passants, peut-être des ennemis d'Elagabalus, c'est que Madé avait disparu et que nul homme ne le pouvait remplacer. » Leurs sanglots s'unirent, leurs mains se pressèrent. Sémias, doucement, s'imaginant qu'Attilius, bientôt sauvé, se jetterait dans ses bras. Attilia, espérant sourdement revoir Madé à la maison des Carènes, qui se découvrit entre les épaules d'or des beaux prétoriens. Les Romains se sauvaient, chassés par les chrysaspides, renversés par les cataphractaires, et plus ils enfuyaient, plus la maison en dégorgeait, que sans pitié ils massacraient. Elles avancèrent enfin, leurs mules marchant sur des blessés qui gémissaient, voyant du sang partout, même au ciel qui s'en recouvrait comme d'une toge rouge, trouée de coups. Amon se glissa dans les rangs des chrysaspides, qui rentrèrent par quatre et de front, la pique très aiguë allongée dans le vestibule. Dans sa loge, le janitor était égorgé, les pieds sur un escabeau, la tête basse, en un violent accourcissement du corps. Dans l'atrium, les cadavres des esclaves s'étalaient, la face au sol, la nuque couverte ou le dos troué. Quelques-uns, retenant leurs entrailles, coulant de leur ventre crevé, regardaient les chrysaspides dans l'abrutissement de leur propre massacre. Dans un coin, Vipsanius et Carina s'attendaient, satisfaits et dédaigneux. Ils avaient tué l'ennemi de Christos, l'importateur du culte de la vie, avec son prêtre du soleil faussement chrétien. Ils pouvaient mourir, bien endoctrinés par Atta, qui leur prouva si savamment le tort que faisait à Christos la pierre noire et les sectateurs de Zal qui le dénaturaient. Et cependant, Atta n'avait point paru en ces tragiques heures. À peine l'aperçut-on à l'Esquilin, qui vit le massacre d'autres chrétiens. Il avait tramé sa subtile intrigue à part, pour mieux éviter les coups, et ensuite profiter de l'exaucement de Christos, si Christos dut être exaucé. Les autres seraient ainsi tués, lui vivraient, et excellemment, pour la grande gloire de l'agneau, qui, l'enlevant à l'abjection du parasitisme, en ferait un docteur redouté, pieux, adroit, un saint, un apôtre, peut-être son prêtre siégeant à Rome. Et cette perspective leur fut sans doute instinctivement agréable, car intrépidement, comme s'ils confessaient Christos dans le cirque devant 250 000 spectateurs, Vipsanius et Carinas tendirent tranquillement la gorge à la pique d'or des prétoriens et moururent sans seulement crier. Dans le tablinum, Semias et Attilia, qui avaient pénétré derrière lui dans la maison, prenaient nerveusement une main d'Amon. Et elle lui disait « Tu es son ami, tu l'as connu, Attilius ? Quelles étaient ses volontés, dis ? Madée te les fit-il connaître ?» Elle ne les connaissait pas, se doutant seulement que pour qu'il fût toléré là par les Chrysaspides, il devait être quelque chose pour le Primicerius et pour l'affranchi. Amon, triste, amer, navré, répondit « Non, Madée ne m'a rien dit. J'ai voulu le suivre ici, d'où je m'échappais pour appeler du secours au moment de l'envahissement. Je connus Attilius jadis, il me sauva des prétoriens. Hélas, malheur, malheur! Ils sont morts tous deux. » Attilius, dans sa robe violette, et Madée, dans sa pauvre toge, étaient renversés, la face en sang, leurs mains s'étreignant. Elles poussèrent un cri et glissèrent dans le sang, dans des débris de meubles. Des Chrysaspides les relevèrent. Amon toucha Madée, moite encore, qui remua. « Il vit encore ! Il vit ! Madée !» Elles ouvrirent les yeux. Attilius ne remuant plus, Semias referma faiblement les siens. Attilia souleva le corps de Madée et, oubliant toujours pour lui son frère, irrémissiblement frappé, « Oui, oui, il vit, et je le garderai, et je le guérirai, et il m'aimera !»